Première journée, chapitre 5. Le train quitta Bordeaux après un arrêt de quelques minutes, durant lequel ceux qui n'avaient pas dîné se hâtèrent d'acheter des provisions. D'ailleurs, les malades ne cessaient de boire un peu de lait, de réclamer un biscuit, comme des enfants. Et tout de suite, dès qu'on fut de nouveau en marche, sœur Hyacinthe tapa dans ses mains. « Allons, dépêchons-nous, la prière du soir !» Alors, pendant près d'un quart d'heure, il y eut un bourdonnement confus, des patères, des avés, un examen de conscience, un acte de contrition, un abandon de soi-même à Dieu, à la Sainte Vierge et aux saints, tout un remerciement de l'heureuse journée que termina une prière pour les vivants et pour les fidèles trépassés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il était 8h10. Le crépuscule noyait déjà la campagne. Une plaine immense, prolongée par les brumes du soir, et où s'allumaient, au loin, dans les maisons perdues, des étincelles vives. Les lampes du wagon vacillaient, éclairaient d'une lumière jaune l'entassement des bagages et des pèlerins, secoués par un mouvement de lacets continu. « Vous savez, mes enfants, » reprit sœur Hyacinthe, restée debout, que je ferai faire le silence à La Motte, à environ 1 heure d'ici. Vous avez donc 1 heure pour vous amuser. Mais soyez sages, ne vous excitez pas trop. Et après La Motte, vous entendez bien, plus un mot, plus un souffle. Je veux que vous dormiez tous. » Cela les fit rire. « Ah, mais c'est la règle. Vous êtes sûrement trop raisonnables pour ne pas obéir. » Depuis le matin, en effet, ils avaient rempli ponctuellement le programme des exercices religieux, indiqués heure par heure. Maintenant que toutes les prières avaient été dites, les chapelets récités, les cantiques chantés, c'était la journée finie, une courte récréation avant le repos. Mais ils ne savaient que faire. « Ma sœur, » proposa Marie, « et si vous vouliez bien autoriser Monsieur l'abbé à nous faire une lecture, il lit parfaitement, et j'ai justement là un petit livre, une histoire de Bernadette, si jolie !» On ne la laissa pas achever. Tous crièrent, avec une passion éveillée d'enfant, auquel on promet un beau conte. « Oh oui, ma sœur ! Oh oui, ma sœur !»« Sans doute, » dit la religieuse, « je permets, du moment qu'il s'agit d'une bonne lecture. » Pierre dut consentir, mais il voulait être sous la lampe, et il lui fallut changer de place avec Monsieur de Guersin, que cette annonce d'une histoire avait ravi autant que les malades. Et quand le jeune prêtre, enfin installé, déclarant qu'il verrait assez clair, ouvrit le livre, un frémissement de curiosité courut d'un bout du wagon à l'autre. Toutes les têtes s'allongèrent, recueillies, les oreilles tendues. Heureusement, il avait la voix claire. Il put dominer les roues, dont le bruit n'était plus qu'un roulement assourdi dans cette plaine immense et plate. Mais avant de commencer, Pierre examinait le livre. C'était un de ces petits livres de colportage, sortis des presses catholiques, répandus à profusion par toute la chrétienté. Mal imprimé, de papier humble, il portait sur sa couverture bleue une Notre-Dame de Lourdes, une naïve image d'une grâce raidie et gauche. Une demi-heure suffirait certainement pour le lire sans hâte. Et Pierre commença, de sa belle voix nette, au timbre doux et pénétrant. C'était à Lourdes, petite ville des Pyrénées, le jeudi 11 février 1858. Le temps était froid et un peu couvert. On manquait de bois pour préparer le dîner dans la maison du pauvre, mais honnête meunier, François Soubirous. Sa femme, Louise, dit à sa seconde fille, Marie, « Va ramasser du bois sur le bord du Gave ou dans les communaux. » Le Gave est le nom d'un torrent qui traverse Lourdes. Marie avait une sœur aînée, nommée Bernadette, récemment arrivée de la campagne où de braves villageois l'avaient employée comme bergère. C'était une enfant frêle et délicate, d'une grande innocence, mais dont toute la science consistait à savoir dire le chapelet. Louise Soubirou, hésitait à l'envoyer au bois avec sa sœur, à cause du froid. Cependant, sur les instances de Marie et d'une petite voisine, nommée Jeanne Abadie, elle la laissa partir. Les trois compagnes, descendant le long du torrent pour recueillir des débris de bois mort, se trouvèrent en face d'une grotte, creusée dans un grand rocher que les gens du pays appelaient Massabiel. Mais, arrivé à ce point de la lecture, comme il tournait la page, Pierre s'arrêta, laissant retomber le petit livre. L'enfantillage du récit, les phrases toutes faites et vides, l'impatientaient. Lui qui avait entre les mains le dossier complet de cette histoire extraordinaire, qui s'était passionné à en étudier les moindres détails, et qui gardait au fond du cœur une tendresse délicieuse, une infinie pitié pour Bernadette. Il venait de se dire que l'enquête qu'il rêvait autrefois d'aller faire à Lourdes, il pourrait la commencer le lendemain même. C'était une des raisons qu'il avait décidé au voyage. Et toute sa curiosité se réveillait sur la voyante, qu'il aimait parce qu'il la sentait une candide, une véridique et une malheureuse, mais dont il aurait voulu analyser et expliquer le cas. Certes, elle ne mentait pas, elle avait eu sa vision, entendu des voix comme Jeanne d'Arc, et comme Jeanne d'Arc, elle délivrait la France, au dire des catholiques. Quelle était donc la force qui l'avait produite, elle et son œuvre? Comment la vision avait-elle pu grandir chez cet enfant misérable et bouleverser toutes les âmes croyantes jusqu'à renouveler les miracles des temps primitifs et fonder presque une religion nouvelle au milieu d'une ville sainte bâtie à coups de millions, envahie par des foules qu'on n'avait pas vues si exaltées ni si nombreuses depuis les croisades? Alors, cessant de lire, il raconta ce qu'il savait, ce qu'il avait deviné et rétabli dans cette histoire si obscure encore, malgré les flots d'encre qu'elle a fait couler. Il connaissait le pays, les mœurs, les coutumes, à la suite de ses longues conversations avec son ami, le docteur Chassaigne. Et il avait une facilité charmante de parole, une émotion exquise, des dons remarquables d'orateur sacré, qu'il se connaissait depuis le séminaire, mais dont il n'usait jamais. Dans le wagon, quand on vit qu'il savait l'histoire bien mieux, bien plus longuement que le petit livre, et qu'il la disait d'un air si doux, si passionné, il y eut une recrudescence d'attention, un élan de ces âmes douloureuses, affamées de bonheur, qui se donnaient toutes à lui. D'abord, ce fut l'enfance de Bernadette, à Bartrès. Elle grandissait là, chez sa mère nourrice, la femme Lagu, qui, ayant perdu un nouveau-né, avait rendu aux Soubirous, très pauvres, le service de nourrir et de garder leur enfant. Ce village de 400 âmes, à une lieue environ de Lourdes, se trouvait comme au désert, loin de toute route fréquentée, caché parmi des verdures. Le chemin dévale, les quelques maisons s'espacent, au milieu des herbages coupés de haies, plantés de noyers et de châtaigniers. Tandis que des ruisseaux clairs, qui ne se taisent jamais, suivent les pentes le long des sentiers, et que seule la vieille petite église romane domine sur un tertre, envahie par les tombes du cimetière. De toutes parts, des coteaux boisés ondulent et montent. C'est un trou dans les herbes d'une fraîcheur délicieuse. Des herbes au vert intense que baigne un dessous trempé d'eau, les éternelles nappes souterraines descendues des montagnes. Et Bernadette, qui, depuis qu'elle était grande fille, payait sa nourriture en gardant les agneaux, les menait paître pendant des saisons entières, perdue sous ses feuillages où elle ne rencontrait pas une âme. Parfois seulement, du sommet d'un coteau, elle apercevait les montagnes au loin, le pic du Midi, le pic de Viscose, masses éclatantes ou assombries selon la couleur du temps, et que d'autres pics décolorés prolongeaient, des apparitions à demi évanouies de visionnaires, comme il en passe dans les rêves. Puis c'était la maison des Lagus, où son berceau se trouvait encore, une maison isolée, la dernière du village. Un pré s'étendait, plantée de poiriers et de pommiers, séparée seulement de la pleine campagne par une source mince qu'on pouvait franchir d'un saut. Dans l'habitation basse, il n'y avait, à droite et à gauche de l'escalier de bois menant au grenier, que deux vastes pièces dallées de pierre, contenant chacune 4 ou 5 lits. Les fillettes couchaient ensemble, s'endormaient en regardant le soir les belles images collées au mur, pendant que la grande horloge dans sa caisse de sapin battait l'heure gravement au milieu du grand silence. Ah, ces années de Bartrès, dans quelle douceur ravie Bernadette les avait vécues! Elle poussait, chétive, toujours malade, souffrant d'un asthme nerveux qui l'étouffait aux moindres sautes du vent. Et à 12 ans, elle ne savait ni lire ni écrire, ne parlant que le patois, restée enfantine, retardée dans son esprit ainsi que dans son corps. C'était une bonne petite fille, très douce, très sage, d'ailleurs une enfant comme une autre, pas causeuse pourtant, plus contente d'écouter que de parler. Bien qu'elle ne fût guère intelligente, elle montrait souvent beaucoup de raisons naturelles, avait même parfois la répartie prompte, une sorte de gaieté simple qui faisait rire. On avait eu une peine infinie à lui apprendre le chapelet. Quand elle le sut, elle parut vouloir borner là sa science. Elle le récita d'un bout de la journée à l'autre, si bien qu'on ne la rencontrait plus, avec ses agneaux, que son chapelet au doigt, égrenant les patères et les avets. Et que d'heures elle vécut ainsi, au penchant herbu des coteaux, noyée et comme hantée dans le mystère des feuilles, ne voyant par instant du monde que les cimes des montagnes lointaines, envolées dans la lumière d'une légèreté de songe. Les journées se succédaient, et elle ne promenait toujours que son rêve étroit, l'unique prière qu'elle répétait, qui ne lui donnait d'autre compagne et amie que la Sainte Vierge, parmi cette solitude si fraîche, si naïve d'enfance. Puis, que de belles soirées elle passa l'hiver dans la salle de gauche, où il y avait du feu. Sa mère nourrice avait un frère qui était prêtre et qui faisait parfois des lectures admirables. Des histoires de sainteté, des aventures prodigieuses à faire trembler de peur et de joie, des apparitions du paradis sur la terre, tandis que le ciel entr'ouvert laissait apercevoir la splendeur des anges. Les livres qu'il apportait étaient souvent pleins d'images, le bon Dieu au milieu de sa gloire, Jésus si délicat et si joli avec son visage de lumière, la Sainte Vierge surtout, qui revenait sans cesse, resplendissante, vêtue de blanc, d'azur et d'or, si aimable qu'elle la revoyait parfois dans ses rêves. Mais la Bible était encore le livre qu'on lisait le plus souvent, une vieille Bible jaunie par l'usage depuis plus de 100 ans dans la famille. Et chaque soir de veillée, le père nourricier, qui seul avait appris à lire, prenait une épingle, la plantait au hasard, commençait la lecture en haut de la page de droite, au milieu de la profonde attention des femmes et des enfants, qui finissaient par savoir et qui auraient pu continuer sans se tromper d'un mot. Bernadette préférait les livres pieux, où la Sainte Vierge passait avec son sourire accueillant. Pourtant, une lecture l'amusa aussi, celle de la merveilleuse histoire des 4 fils Aymon. Sur la couverture jaune du petit livre, tombée là de la balle de quelque colporteur égaré, on voyait, en une gravure naïve, les 4 preux, Renaud et ses frères, montés tous les 4 sur Bayard, leur fameux cheval de bataille, dont la fée Orlande leur avait fait le royal cadeau. Et c'étaient des combats sanglants, des constructions et des sièges de forteresses, des coups d'épée terribles entre Roland et Renaud, qui allaient enfin délivrer la Terre Sainte, sans oublier le magicien Maugis au merveilleux enchantement, ni la princesse Clarisse, sœur du roi d'Aquitaine, plus belle que le jour. L'imagination frappée, Bernadette avait parfois de la peine à s'endormir, surtout les soirs où, délaissant les livres, quelqu'un de la compagnie disait une histoire de sorcier. Elle était très superstitieuse. Jamais on ne l'aurait fait passer, après le coucher du soleil, près d'une tour du voisinage, hantée par le diable. Toute la contrée, d'ailleurs, dévote et simple d'esprit, était comme peuplée de mystères. Des arbres qui chantaient, des pierres où perlait le sang, des carrefours où il fallait dire trois pater et trois ave si l'on ne voulait pas rencontrer la bête aux sept cornes, qui emportait les filles à la perdition. Et quelle richesse de contes terrifiants! Il y en avait des centaines. On ne se serait plus arrêté le soir quand on les entamait. D'abord, c'était les aventures des loups-garous, ces misérables hommes forcés par le démon à entrer dans la peau des chiens, les grands chiens blancs des montagnes. Si l'on tire un coup de fusil sur le chien et qu'un seul plomb le touche, l'homme est délivré. Mais si le plomb ne touche que l'ombre, l'homme meurt immédiatement. Puis défilaient les sorciers et les sorcières, à l'infini. Une de ces histoires passionnait Bernadette, celle d'un greffier de Lourdes qui voulait voir le diable et qu'une sorcière menait dans un champ vague à minuit le vendredi saint. Le diable arrivait, magnifiquement habillé de rouge. Tout de suite, il proposait au greffier de lui acheter son âme, ce que celui-ci feignait d'accepter. Justement, le diable tenait sous son bras le registre où avaient signé les gens de la ville qui s'étaient déjà vendus. Mais le greffier, malin, tirait de sa poche une prétendue bouteille d'encre, qui n'était autre qu'une bouteille d'eau bénite, et il aspergeait le diable, lequel poussait des cris affreux, pendant que lui prenait la fuite en emportant le registre. Alors, une course folle commençait, qui pouvait durer la soirée entière, par les monts, par les veaux, au travers des forêts et des torrents. « Rends-moi le registre !» « Non, tu ne l'auras pas !» Et cela recommençait toujours. « Rends-moi le registre !»« Non, tu ne l'auras pas !» Le greffier, enfin, qui avait son idée, hors d'haleine, près de succomber, se jetait dans le cimetière, en terre bénite, d'où il narguait le diable en agitant le registre, ayant ainsi sauvé les âmes de tous les malheureux qui avaient signé. Et ces soirs-là, avant de s'abandonner au sommeil, Bernadette disait mentalement un chapelet, heureuse de voir l'enfer bafoué. Tremblante cependant, à l'idée qu'il reviendrait sûrement rôder autour d'elle dès qu'on aurait soufflé la lampe. Tout un hiver, les veillées se firent dans l'église. Le curé Adair l'avait permis et beaucoup de familles venaient là pour économiser la lumière, sans compter qu'on avait plus chaud à être ainsi tous ensemble. On lisait la Bible, on disait des prières en commun. Les enfants finissaient par s'endormir. Seule Bernadette luttait jusqu'au bout, si contente d'être chez le bon Dieu, dans cette nef étroite, dont les minces nervures étaient peintes en rouge et en bleu. Au fond, l'autel, peint également et doré, avec ses colonnes torses, avec ses rétables, Marie chez Anne et la décollation de Saint-Jean se dressaient, d'une richesse fauve et un peu barbare. Et l'enfant, dans la somnolence qui l'envahissait, devait voir se lever la vision mystique de ces images violemment coloriées, le sang couler des plaies, les auréoles flamboyées, la Vierge revenir toujours et la regarder de ses yeux couleur du ciel, de ses yeux vivants, tandis qu'elle lui semblait sur le point d'ouvrir ses lèvres de vermillon pour lui adresser la parole. Pendant des mois, elle vécut de la sorte ses soirées, dans ce demi-sommeil, en face de l'autel vague et somptueux, dans ce commencement de rêve divin qu'elle emportait pour l'achever au lit, dormant sans un souffle sous la garde de son bon ange. Et ce fut aussi dans cette vieille église, si humble et si pleine de foi ardente, que Bernadette commença à suivre le catéchisme. Elle allait avoir 14 ans, il était grand temps qu'elle fît sa première communion. Sa mère nourrice, qui passait pour avare, ne l'envoyait pas à l'école, l'utilisant dans la maison du matin au soir. Monsieur Barbet, l'instituteur, ne la vit jamais à sa classe. Mais un jour qu'il faisait la leçon du catéchisme, en remplacement de l'abbé Adair, indisposé, il la remarqua pour sa piété et sa modestie. Le prêtre aimait beaucoup Bernadette, et il parlait souvent d'elle à l'instituteur. Il lui disait qu'il ne pouvait la regarder sans songer aux enfants de la salette, car ses enfants avaient dû être simples, bons et pieux comme elle, pour que la Sainte Vierge leur fût apparue. Un autre matin, les deux hommes, en dehors du village, l'ayant vu de loin avec son petit troupeau se perdre parmi les grands arbres, le prêtre se retourna à plusieurs reprises en disant de nouveau « J'ignore ce qui se passe en moi, mais toutes les fois que je rencontre cet enfant, il me semble apercevoir Mélanie, la petite bergère, la compagne du petit Maximin. » Certainement, il était obsédé par cette pensée singulière qui se trouva être une prédiction. Et un jour, après le catéchisme, ou même un soir à la veillée de l'église, n'avait-il pas conté la merveilleuse histoire, vieille de 12 années déjà, la dame à la robe éblouissante qui marchait sur l'herbe sans la courber, la Sainte Vierge qui s'était montrée à Mélanie et à Maximin sur la montagne, au bord d'un ruisseau, pour leur confier un grand secret et leur annoncer la colère de son fils. Depuis ce jour, une source née des larmes de la Vierge guérissait tous les malades, tandis que le secret, confié à un parchemin scellé de 3 cachets de cire, dormait à Rome. Sans doute, cette histoire admirable, Bernadette l'avait écoutée passionnément, de son air muet de dormeuse éveillée, puis l'avait emportée au désert de feuilles où elle passait les jours, pour la revivre derrière ses agneaux, pendant que, grain à grain, son chapelet glissait entre ses doigts frêles. Et telle s'écoula l'enfance à Bartrès. Ce qui ravissait, chez cette Bernadette chétive et pauvre, c'étaient les yeux d'extase, les beaux yeux de visionnaire, où, comme des oiseaux dans un ciel pur, passait le vol des rêves. La bouche était grande et trop forte, indiquant la bonté. La tête, carrée, au front droit, aux épais cheveux noirs, aurait paru commune sans son charme de doux entêtement. Mais qui n'entrait pas dans son regard ne la remarquait pas. Elle n'était plus qu'une enfant quelconque, la pauvresse des routes, la fillette poussée à regret d'une humilité craintive. Et c'était dans son regard que l'abbé Adair avait sûrement lu, avec trouble, tout ce qui allait fleurir en elle. Le mal étouffant dont souffrait sa triste chair de gamine, la solitude de verdure où elle avait grandi, la douceur bêlante de ses agneaux, la salutation angélique promenée sous le ciel, répétée jusqu'à l'hallucination, et les prodigieuses histoires entendues chez sa mère nourrice, et l'éveillé passé devant le rétable vivant de l'église, et tout l'air de primitive foi qu'elle avait respiré dans ce pays lointain, barré de montagnes. Le 7 janvier, Bernadette venait d'avoir 14 ans, et ses parents, les Soubirou, voyant qu'elle n'apprenait rien à Bartrès, résolurent de la reprendre définitivement chez eux, à Lourdes, pour qu'elle y suivît le catéchisme avec assiduité, de manière à préparer sérieusement sa première communion. Et elle était donc à Lourdes depuis 15 à 20 jours, lorsque, par un temps froid et un peu couvert, le 11 février, un jeudi, mais Pierre dut s'interrompre. Sœur Hyacinthe s'était levée, tapant vigoureusement dans ses mains. « Mes enfants, il est plus de 9 heures. Le silence! Le silence !» On venait en effet de dépasser la motte. Le train roulait avec son ronflement sourd dans une mer de ténèbres, au travers des plaines sans fin des Landes, submergées par la nuit. Depuis 10 minutes déjà, on aurait dû ne plus souffler dans le wagon, dormir ou souffrir sans une parole. Et il y eut pourtant une révolte. « Oh, ma sœur !» s'écria Marie, dont les yeux étincelaient. Un petit quart d'heure encore. Nous en sommes au moment le plus intéressant. 10 voix, 20 voix s'élevèrent. Oui, de grâce, encore un petit quart d'heure. Tous voulaient entendre la suite, brûlant de curiosité, comme s'ils n'avaient pas connu l'histoire. Tellement ils étaient pris par les détails d'humanité attendrie et souriante que donnait le conteur. Les regards ne le quittaient plus, les têtes se tendaient vers lui, bizarrement éclairées sous les lampes fumeuses. Et il n'y avait pas que les malades. Les 10 femmes du compartiment du fond, elles aussi, se passionnaient, tournaient leurs pauvres faces laides, belles de naïves croyances, heureuses de ne pas perdre un mot. « Non, je ne peux pas !» déclara d'abord Sœur Hyacinthe. « Le programme est formel, il faut faire silence !» Cependant, elle fléchissait, si intéressée elle-même qu'elle en avait un battement de cœur sous sa guimpe. Marie insista de nouveau, suppliante, tandis que son père, Monsieur de Guersin, qui écoutait d'un air très amusé, déclarait qu'on allait en être malade si l'on ne continuait pas. Et comme Madame de Jonquière souriait d'un air indulgent, la sœur finit par céder. « Eh bien, voyons, encore un petit quart d'heure. Mais rien qu'un petit quart d'heure, n'est-ce pas? Parce que je serai fautive. » Pierre avait attendu paisiblement, sans intervenir. Et il continua, de la même voix pénétrante, où le doute s'attendrissait de pitié pour ceux qui souffrent et qui espèrent.